rancunard. Je suis réglo, mais y'en a un qui insiste, tu regardes. Tu vois le genre, on burst, gun à la ceinture, un dur. Un point scout, quand tu vois un b-boy, il shoot. Bref, il me demande c'est qui que je mate. Je le souris, mais il me dit je te brise en deux, alors baisse le regard. Tu vois le bordel, on voit en boîte. Mon gars s'enflamme, un keuf s'énerve et crie. Écoute, connard, quand je parle. J'ai pas en vrille, les passes en flip quand les flics nous collent au mur. On est comme des meurtriers qui se baladent en ville, des malades en fuite. Les fils de qu'est-ce qui se passe ensuite? Ils ont vérifié notre identité dans leur 306. Est-ce que t'es chaud pour mettre le feu? Tu veux savoir comment faire? Alors bouge avec nous, si tu bouges comme on bouge. Un train d'enfer. Lève le doigt en l'air. Est-ce que t'es un homme de terrain? Est-ce que tu restes vif comme le félin? Alors roule avec nous, si tu roules comme on roule. Un train d'enfer. Lève le doigt en l'air. Jette nos cartes par terre. Lève la tête, il te regarde, il voulait me la faire. Mais tu sais que je pouvais pas me taire. J'ai le parler illégal comme une arme blanche. De leurs yeux, je lis qu'ils veulent pas que je rentre. L'autre arrive en caisse et se garde devant. T'as capté le vice, je vois le délire. Y'en a un qui s'approche pour me parler speed. Je le pousse et je lui dis que j'aime pas les flics. C'est d'aller vite, il me bouscule. Je lui dis trop duc, pose ton gun et ton patch. On va derrière, grande gueule et on part. Et moi je ramasse les cartes. Faut qu'on se tire, j'ai la rage, viens, on tabasse les quatre. T'es fou mec, viens, on file, on va pas les battre. Oublie les flics, on va passer une race en enfer. Alors on se barre sur leur face et on lève le doigt en l'air. Est-ce que t'es chaud pour mettre le feu? Tu veux savoir comment faire? Alors bouge avec nous, si tu bouges comme on bouge. Un train d'enfer. Lève le doigt en l'air. Est-ce que t'es un homme de terrain? Est-ce que tu restes vif comme le félin? Alors roule avec nous, si tu roules comme on roule. Un train d'enfer. Lève le doigt en l'air. Il est à peine une heure et je suis de mauvaise humeur. Les flics ont cassé la faille. Vas-y, guette la tasse, mets la balle. Ouais, ça c'est de la balle. T'as vu sa sauce, la grande chabine plus à gauche? J'ai déjà vu son mec, c'est pas du genre à veiller sur sa gauche. Elle a un pur matos sur Mano. Elle est physique pour de vrai. Je sens qu'on va se marrer. Si la soirée part pas en couille, refrain. Ouais. Ambiance survoltée. Les meufs en décolleté. Ça sent la chute qui mouille. Y'a du bon rap qui tourne. Et du champagne qui coule à flot. Je vois que ça bouge là-haut. La grande chabine descend les escaliers. Joanne, y'a un modèle de fesses matées. Je suis sous le choc. Invitation pour un zouk love. Nous voilà collés serrés. Elle est sa sauce, faut les serrer. Est-ce que t'es chaud pour mettre le feu? Tu veux savoir comment faire? Alors bouge avec nous, si tu bouges comme on bouge. Un train d'enfer. Lève le doigt en l'air. Est-ce que t'es un homme de terrain? Est-ce que tu restes vif comme le félin? Alors roule avec nous, si tu roules comme on roule. Un train d'enfer. Lève le doigt en l'air. Chacun son pain, maintenant c'est tête à tête, front contre front. Les filles commencent à se mettre à l'aise. Les dix, j'ai monte le son. Les mains se baladent, poste dans un coin de la salle, ça frotte et ça plotte. Donne-moi une boîte de capote et je la fuck. Maintenant la fouf s'agite, me déboutonne et touche ma trique. Jamais vu plus chaud de toute ma vie. La raclée mouille, un truc de ouf, David. Police, la foule panique. Le DJ coupe la zip. On met les voiles, attrape les meufs, on détale, les poulets arrivent. Ils sont deux, le gars crie bon bleu. On les a lâchés. On avait bien reconnu les deux faux culs qui voulaient nous coincer. Tout le monde les a tabassés. On a passé une reçoit d'enfer. Alors on se barre sur leur face. Et on lève le doigt en l'air. On lève le doigt en l'air. On se barre avec les rats et on lève le doigt en l'air. Est-ce que t'es chaud pour mettre le feu? Tu veux savoir comment faire? Alors bouge avec nous, si tu bouges comme on bouge. Un train d'enfer. Lève le doigt en l'air. Est-ce que t'es un homme de terrain? Est-ce que tu restes vif comme le félin? Alors roule avec nous, si tu roules comme on roule. Un train d'enfer. Lève le doigt en l'air.